Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Ushurul Minhaj Salafi, les fondements du Minhaj Salafi, un cours donné par le frère Mounir Al-Maghribi Hafidahullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyati Bidamaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ففي هذه الآيات بين الله عز وجل أن سبيل الهدى والصراط المستقيم في اتباع سنة إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام ومنهج المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى les versets qu'on a lus ils démontrent أن السعادة والفوز la réussite أيها المسلم elle est dans le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام كذلك dans le suivi de ses compagnons al-muhajirun wal-ansar Allah subhanahu wa ta'ala radiya an ha'ula radiya Allah anhum Allah il est satisfait d'eux pour toi c'est un exemple as-sariqoon al-awwaloon min al-muhajirin wal-ansar pour toi c'est un exemple ayyuha al-muslim فلهذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم وكذلك في الآية الثانية حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة هؤلاء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين Celui qui s'écarte de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il suit un autre chemin que celui des croyants, ayah sahab, ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, akhbar Allah subhanahu wa ta'ala, qal wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla, wa nuslihi jahannam, wa sa'at masira. تستفيد من هذا أن مخالفة هؤلاء الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمن أسباب الهلكة والانحراف ودخول النار وساءت مصيرا. فالمسلم المؤمن il a des exemples, il a un but. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et pour accomplir ce but, il a des exemples. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية. هذا المنهج, هذه الطريقة يجب وينبغي للمسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا العناية بها, أي apprendre هذا المنهج, apprendre cette voie, ce chemin, منهج السلف الصالح, منهج أهل السنة, يجب العناية بذلك. المنهج السلفي qu'on va étudier اليوم بإذن الله, on va étudier les fondements, c'est pas مجرد une étiquette, c'est pas مجرد une نسبة, un nom, c'est pas مجرد une appartenance, c'est pas مجرد un amour que t'as envers السلف. هذه الأمور مطلوبة, que tu suives هؤلاء, que tu les aimes, t'as envie, tout ça c'est مطلوب, c'est محمود. لكن لا يكفي بدون علم, لأن هذا المنهج comme on va détailler inshallah, il est basé, il est fondé sur des fondements. Celui qui خالف ses fondements, il fait pas partie de هؤلاء أتباع السلف. فأنت أيها المسلم, tu dois connaître ses fondements et tu dois connaître ce منهج. فكلما la personne il est à la علم, كلما inshallah il s'accrochera et il suivra, يعني il s'accrochera à cette voie et il suivra هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. فسعادة الآخرة والأولى في اتباع سلف الأمة, هذا أمر واضح جلي. Celui qui veut être heureux في الدنيا وفي الأخرى, il doit حقق اتباع هؤلاء سلف الأمة. فهؤلاء comme on a cité le verset, Allah subhanahu wa ta'ala رضي الله, Allah subhanahu wa ta'ala رضي عنهم. Si tu les suis, la chèque t'aura un nasib min hadha ar-ridha. Si tu les suis, la chèque que t'auras une part, une part de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nasta'in billah azza wa jal wa nas'aluhu at-tawfiq, يعني ونبدأ في شرح هذه الأصول. أولا, tu dois connaître ayyuha al-muslim ما هو المنهج السلفي. Tu dois connaître le tarif. C'est quoi le manhaj? Et c'est quoi le salafiyya? C'est qui le salaf al-salih? Amma le manhaj, huwa al-sabil wa al-tariq. C'est ça le manhaj. Manhaj ahl al-sunna, ay tariqat ahl al-sunna. Le manhaj, c'est la voie, c'est le chemin. Je dis manhaj ahl al-bid'ah, ay la voie des innovateurs. فالمنهج, c'est la voie que la personne il emprunte, qui suit. أما لفظة السلف فلغة, الآن on va expliquer le mot سلف. أما المنهج, c'est la voie. أما لفظة السلف لغة, linguistiquement dans la langue arabe, السلف, قال أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله في النهاية قال وقيل سلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه وذوي قرابته. هذا في اللغة السلف, في اللغة c'est les ancêtres. قال ابن الأثير قيل سلف الإنسان من تقدم بالموت, من تقدم بالموت من آبائه وذوي قرابته. فسلفك أنت لغة, c'est tes ancêtres, ton père, ton grand-père, et ton ascendance, tes ancêtres. هذا لغة. قال عيسى عليه السلام لفاطمة رضي الله عنها نعم السلف أنا لك. Le prophète صلى الله عليه وسلم c'est le père de Fatima. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السلف أنا لك. فالسلفك أيها المسلم لغة c'est tes ancêtres. Ton père, ton arrière-grand-père, وهكذا. هذا لغة. قال ابن الأثير ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. لهذا العلماء ils appellent la première génération des croyants المهاجرون والأنصار والأئمة بعدهم السلف الصالح. لكن انتبه il y a un قيد, il y a une précision pour هؤلاء الصالح. C'est les ancêtres, لكن c'est des صلحاء أتقياء. Salafouk linguistiquement, ça peut être un kafir, ça peut être un fasiq, ça peut être un fajr. Maintenant, une personne, ses parents, c'est des kuffars. C'est salaf, l'ouratan. Lakin, c'est pas des salih. Al-ulama, ils ont précisé pour la première génération des musulmans, al-salaf ou salih. Amma istilahan, et c'est ce qui nous intéresse, nous, via des kalimas. Amma, يعني ce mot الان il est employé في الدين كثيرا et il a une définition في الدين. قال العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قال عندما نطلق كلمة السلف الان il va expliquer c'est quoi le sens quand les savants d'islam ils disent سلف. قال عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا quand on entend المنهج أو منهج السلف أو السلف الصالح أو سلف الأمة la première génération qui est visée c'est les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. قال الذين حضروا عصره أي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أي ceux qui ont ils ont vécu avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils ont connu la révélation. Ils vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation elle descendait sur lui alayhi salatu wassalam. قال فاخذوا منه هذا الدين مباشره غضا طريا. نعم هؤلاء الان ils ont un fadl. Ils ont une mise على غيرهم. نعم ils sont élevés par rapport aux autres générations لانهم ils ont pris هذا المنهج النبوي هذا العلم النافع. Ils l'ont pris directement du prophète عليه الصلاة والسلام. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et le prophète عليه الصلاة والسلام. Ils l'ont connu, ils ont vécu avec lui. بعضهم ils sont mariés avec ses filles عثمان. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a marié sa fille avec Ali. Ils l'ont connu يعني عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ils ont une mise. فلا شك أن celui qui a connu le prophète عليه الصلاة والسلام il est meilleur que celui qui ne l'a pas connu. قال كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم كذلك la deuxième génération après celle du prophète عليه الصلاة والسلام et celle des compagnons التابعون أي ceux qui ont suivi les compagnons رضي الله عنهم. هؤلاء ils n'ont pas rencontré le prophète عليه الصلاة والسلام لكن ils ont pris l'ilm directement des compagnons. فهؤلاء ils ont une mise à une fadila على من بعدهم. هؤلاء ils ont un rang élevé par rapport à ceux qui sont venus après. لأن هؤلاء ils ont pris directement des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام التابعون. قال الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد. نعم هؤلاء ils ont connu la première génération de l'islam أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الذين شملتهم شهادة الرسول لهم شهادة الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس حيث يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء les trois générations que le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité في حديث عمران بن الحسين عمران بن حسين c'est eux السلف الصالح. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني la meilleure génération c'est la mienne. Aïe, le prophète et ses compagnons. ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ceux qui sont venus après, التابعون ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ceux qui sont venus après, التابعون أتباع التابعين هؤلاء ces trois générations العلماء ils les appellent السلف الصالح القرون المفضلة خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الرسل والأنبياء الشيخ محمد رحمه الله كما يشمل الاصطلاح تابع التابعين نعم فعلى كل حال والخلاصة أن السلف الصالح سي لتخوى جنراتيون au début de l'islam la génération du prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons la génération de ceux qui sont venus après eux التابعون et la génération qui est venue après أتباع التابعين هؤلاء c'est le salaf al-salih. فَنَحْنُ الْآنَ الْكَلِمَةِ On va expliquer مَنْهَجْ هَؤُلَى La voie de ces générations. C'était quoi leur compréhension fi din? C'était quoi leur aqida? Comment ils ont compris le Coran? Comment ils ont appliqué la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام? C'est eux l'exemple. فَمَا مِنْ مُسْلِمِ Quiconque parmi les muslimines qui est venu après ces générations, il doit les prendre comme exemple. لَا يَجُوزْلَى La yajuzla, il suit un autre chemin que le chemin de Haoula. Ou il a une aqida, une croyance autre que la croyance de Haoula. Ou il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec une manière, une méthode autre que celle de Haoula. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْآنَ سِهَذَا Le chemin des croyants, c'est ce qu'il a cité le prophète sallam dans ce hadith. Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Enfin, celui qui suit un manhaj, une voie autre que celle des salaf salih, qala azza wa jal, wa yabtaghi ghayra sabili al-mu'minin, nuwallihi ma tawalla, wa nuslihi jahannam, wa sa'at masira. Enfin, al-mawdu' il est muhim. Chaque musulman il est concerné. السلفية المنهج السلفي c'est pas concerné pour une partie de la communauté فقط لا c'est المنهج النبوي c'est منهج الصحابة chaque muslim il doit suivre هؤلاء enfin chaque muslim il doit faire des efforts pour connaître la voie de هؤلاء الأخيار والحذر كل الحذر من تشويش المبطلين وحرب الكافرين لهذا المنهج لأن الآن كما نرى بإذن الله في الكلمة أن الكفار يصفت خبيا كالسلفية كهذا المنهج النبوي يصفت خبيا ك ça correspond à l'islam authentique ils le savent très bien فلهذا ils font tout pour combattre هذا المنهج et salir son image فانتبه أيها المسلم que tu comprends pas ce منهج المنهج السلفي Tu ne le comprends pas avec la compréhension des kuffars. Fahoum, ils vont cataloguer directement ce manhaj de fondamentalistes, intégristes, et etc. Tous les mots qu'ils ont inventés, les harb al-islam. Antala, tu comprends hadha al-manhaj bi kalam ahl al-ilm. Tu comprends hadha al-manhaj avec ses fondements qui sont tirés min al-kitab ou min al-sunna. Et bien, idnillah, tu verras que ce manhaj, il renferme que du khayr. Il appelle qu'au khayr, il appelle qu'au bien. صلى الله سبحانه وتعالى الثبات فائدة ظهور هذا المصطلح قد يسأل سائل متى ظهر هذا الاصطلاح لأن هناك شبهة أنا بعض الناس يقولون لدي مسلم Il n'y a pas besoin de dire salafi. On suit le Coran et la Sunna. Il n'y a pas besoin de dire al-manhaj al-salafi. C'est une choubha hazila. Hazila. Lian hadha al-islam était parvenu par la voie de haoula. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a montré que c'est les meilleures générations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés. فأين المانع؟ Il est où le problème si on suit هؤلاء؟ أو on s'apparente à هؤلاء؟ Il n'y a aucun problème. إلا عند الضلال وعند أصحاب الشبهات الجهال. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع. نعم لا شك أن la génération du prophète صلى الله عليه وسلم ils étaient tous على الإسلام الصحيح. Ils suivaient tous le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils avaient tous la même aqidah fondée sur le kitab et la sunna. لكن après ces générations بدأ النزاع. La communauté elle a commencé à se diviser. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. La Ummah al-An, à cette période qui cite Cheikh Mohamed Aman, après يعني, At-Tabi'in, la Ummah a commencé à se diviser. قال ودار حول أي النزاع دار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية وحاول الجميع الانتساب إلى السلف. نعم. Ces groupes, ils ont commencé à se diviser. في العقيدة الرافضة يسوسوقتي الجهمية المعتزلة أهل الكلام la philosophie elle est rentrée. فالآن tout cela ils se réclament et prétendent suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. فالآن à ce moment là العلماء ils ont eu besoin de discerner le vrai du faux de montrer anna manhaj al-haq c'est kada avec des fondements kada hada amma yani le fait de comprendre anna on n'a pas besoin de hada al-manhaj ou de hada al-istilah c'est un khata kabir لان الان انت t'es un musulman ou al-mubtadi al-dhal c'est un musulman. Enfin, c'est quoi qui va vous différencier les deux si toi t'appelles al-haq et lui il appelle à son égarement? C'est هذا المنهج. Tu verras que même le مبتدع وإلا يخالف منهج السلف الصالح يخالف un peu ou beaucoup هذا لا بد منه. فلهذا العلماء ils ont choisi cette appellation يعني pour discerner الحق من الباطل. قال فإذا الشيخ محمد يكونكلو رحمه الله فإذا لابد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم. ستكونخي هذا فلابد الآن que tu comprennes et que tu connaisses les fondements du manhaj salafi, hatta tu le suis. Et si tu appelles à ce manhaj, tu appelles à ce manhaj bi'ilm. Tu n'appelles pas à une étiquette faqat. Là, tu appelles à des fondements, à des bases, à une voie claire. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, taraktukum ala mitl al-bayda. Layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai délaissé sur une voie claire. De jour comme de nuit, bayda, bayda, c'est quelque chose de blanc, avec clair. La yaziru anha illa halik. Celui, personne ne délaisse cette voie, illa un halik. A une personne, wa l'iyadu billah, il va s'appir. Fa anta ayyuha al-muslim, tu dois connaître ses fondements. Tu dois connaître ses fondements, tu dois connaître ce qui contredit ce manhaj. Tu dois connaître ce qui diminue ce manhaj. Hada. Hatta si tu te réclames d'une chose, tu te réclames bi'ilm. Si tu appelles à cette chose, tu appelles bi'ilm. Wa rihnu bi'idnillah, nadkur, yani, hadihi al-usul, yani, min kutub ahl al-ilm. Al-aslu al-awwal, kalam Sheikh Mohamed Aman, il est fi kitabihi al-nafi' al-sifat al-ilahiyya. الصفات الإلهية. كل الكلام كنا سيتي الشيخ محمد أمان في كتابه النافع الصفات الإلهية إلى المقدمة نافعة في المنهج السلفي. les définitions et tout ce qu'on a cité c'est min هذا الكتاب. il est موجود في المكتبة. donc on cite les أصول. le premier fondement الأصل الأول تحقيق توحيد الله عز وجل والعقيدة الصحيحة. premier fondement. تحقيق توحيد الله عز وجل والعقيدة أي ce que tu connais et t'applique العقيدة الصحيحة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صص منهج الأنبياء الصحابة. Ils ont fait que suivre. هذا المنهج. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. C'est ça, دين الإسلام. Et le manhaj al-salafi est fondé à la hada. Il est à la hada. Al-Qurun al-Thalat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui les ont suivis, ils ont fait le djihad. Ils ont fait leur da'wah fondée sur hada al-asr. Ils appellent à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Fi rububiyyati, fi uluhiyyati, wa fi asma'ihi wa sifati. Tous les durus, walillahi alhamd, qu'on a fait fi at-tawhid et qu'on fait en ce moment fi l'aqidah. Wa qala Allah jalla wa ala, fa in amanu bimithli ma amantum bih, faqad ihtadaw. Ça montre ce verset, il est clair. Anna celui qui a la même aqidah, qui a la même aqidah que les premières générations de l'islam, il est à la huda. C'est ça le salafiyya l'an. Pardonnez, c'est une image de salafiyya. C'est un groupe qui vivent dans des endroits cachés. C'est des sanguinaires. C'est tout ça, c'est partitat al-kuffar. Amma salafiyya, c'est rien de plus que ça. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. C'est salafiyya l'an. قال عز وجل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فالهداية الهداية هداية المسلم المسلم qui veut être guidé, il n'a pas le choix إلا que d'apprendre عقيده السلف et de l'appliquer comme قال عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وفي هذه الازمنه l'époque qu'on vit, l'époque d'avant كذلك, و cette époque il y a beaucoup de choses qui contredisent هذا الاصل. فالمسلم il doit être à la hadar. Il doit apprendre sa aqidah. La première chose qu'il apprend à un musulman, sa aqidah. Al-Rasoul, alayhi salatu wassalam, il a éduqué ses compagnons à la hada. Il a envoyé Mu'ad au Yémen pour la da'wah. Mu'ad, il fait partie des savants, des compagnons. Wa radiyallahu anhu, wa radiyallahu anhum ajma'in. La première chose, qala lahu alayhi salatu wassalam, fa awwal. La première chose, fa awwal ma tad'uhum ilayh. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عقيدة توحيد. C'est la première chose. المسلم que ce soit un talib ilm ou autre, la première chose qu'il apprend c'est هذا. C'est pas من الحكمة et c'est pas من الفقه qu'on délaisse ce as et on se préoccupe de choses qui nous regardent pas. Tu trouves بعض الناس سنين في السلفية سنين peut-être une décennie qu'il est dans ce manhaj et qu'il se réclame de ce manhaj et il ne connaît pas sa aqida. Hada sa naqs kabir. Sa naqs kabir fi salafi, fi talib al-ilm. Fa la première chose que tu te concentres, ayyuha al-muslim, ayyuha al-talib, ayyuha al-sunni, c'est t'apprends ce mu'taqad. لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Si on a la même aqida que les générations d'avant, la génération du prophète et ceux qui l'ont suivi, on est sur la bonne voie, inshallah ta'ala. Et on disait, il y a des choses qui contredisent هذا الأصل. Des choses. ففي الأسماء والصفات المبتدعة الضلال, ils ont inventé des fondements qui contredisent هذا. Qui contredit هذا الأصل. فمنهم من يمثل. والعياذ بالله, il y a des gens, ils ont une aqida que Allah ressemble à ses créatures. Ça contredit ce as. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il y a un autre groupe de personnes qui ils ont pas la conviction qu'Allah il a des noms et des attributs, al-Jahmiyya, al-Mu'tazila. Il y a des autres personnes, ils interprètent comme ils prétendent les noms et les attributs. Ils interprètent les attributs. Al-Asha'ira ad-Dallal. Tu dois connaître هذا المنهج, tu dois connaître هذا الأصل. Wallahi alhamd, c'est ce qu'on détaille en ce moment fi kutub al-aqid. Kadhalik, parmi les choses qui contredisent hada al-asl al-shirk fi ibadatillah. Fa kam min al-muslimin al-an, ils adorent des tombes. Kam min al-muslimin al-an, il a un problème. La première solution qu'il trouve, c'est d'aller voir le sorcier Foulan. Kam min al-muslimin al-an, ils ont un da'f fi tawakkul. Ils ont un da'f fi tawakkul. Ils placent leur confiance fi dunya, fi le mal. Tout ça, lien à ce fondement. Ce fondement est un problème. Ba'dannas, ils n'ont pas compris. Ah oui, ils ne le mettent pas en application. Fanahnu, fi hada al-bab. وفي جميع الدين إن شاء الله تعالى أنبلك قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله علم قبل العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري رحمه الله كذلك parmi les choses qui contredisent هذا الأصل المبادئ الكفرية كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والبعثية tous ces fondements de kuffar, la démocratie, la laïcité, la liberté, l'égalité, tout ça, ça contredit هذا الأصل. لأن الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné de l'adorer. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس يوحدون. الآن الكفار ils ont inventé des idéologies qui combattent هذا الأصل. Tu fais ce que tu veux, t'es libre. Si tu veux adorer, t'adores. Si tu veux pas, t'as le choix. La démocratie, la laïcité. Le communisme, le socialisme, tout ça, ça contredit هذا الأصل. كم من المسلمين الآن يغتروا. Il se dit musulman, laïque. 50% iman, 50% kufr. من أين هذا؟ لماذا؟ لأنه il connaît pas هذا المنهج. Et tu vas trouver ce mesquin, ce jahal. Ça va être la première personne qui combat ce manhaj. لماذا؟ لأنه il est manipulé. Tu vas l'entendre nuit et jour, il critique as-salavi. Et en même temps, il complimente Al-Kafara Al-Mulhidin. Hada, c'est une personne, son iman vit khalal. S'il est à la ilm, il est en danger jiddan. S'il est à la ilm, il combat salafiyya et il complimente les kuffar, hada, il est fin hiraf mubin. Fa al-inaya, al-inaya bi hada al-asr. On a détaillé, wallillahi alhamd, ces choses fi kutub al-tawhid, kutub al-aqida. On a déjà expliqué la laïcité, la démocratie. Fa nahnu al-an, on donne un aperçu de هذا المنهج. Amma fil haqiqa, chaque point qu'on va citer, il y a besoin d'un dars à part. هذا. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala yuyassir dhalik. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Hadith an-Nu'man ibn Bashir fi al-40 an-Nawawiyya. Inna fil jasad mudghah idha salahat aw idha saluhat صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله Prophète صلى الله عليه وسلم il a informé ان dans ton corps il y a un morceau de chair s'il est sain tout le corps il est sain si ce morceau de chair il est malade tout le corps il est malade واعلم ان ce morceau de chair هذه المضغة لا تصلح الا بالمعتقد الصحيح هذه المضغة elle sera pas saine ce morceau de chair il sera pas sain الا si tu connais ta aqida et tu l'appliques. Fa al-amr li muhim. Al-amr li muhim jiddan. Khassatan bi hadhihi al-azmina. An hadhihi al-aqida, al-aqida an-nabawiyya, aqida as-salaf as-salih, yani yuharibunaha ahl al-batil min kulli jiha. D'un côté les kuffars, les juifs, les chrétiens, les athées, les communistes, les socialistes, ahl al-bid'ah, al-jahmiyya, al-ash'ariyya, de tous les côtés ils attaquent cette aqida. Et tu trouves بعض المسلمين ils sont rafilis. Comme un agneau au milieu des loups. On dirait qu'il n'est pas en danger. C'est pour ça que la moindre chouba, il les suit. La moindre polémique, il a des doutes. لماذا لأن il n'est pas مبني على عقيدة صحيحة. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله نعم كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة وفي العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة. Celui qui contredit عقيدة أهل السنة, celui qui contredit عقيدة أهل السنة, il fait partie des 72 sectes. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أنها في النار. كلها في النار إلا واحدة. فالأمر لمهم. قال ويشمله الوعيد أي دخول النار. قال ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. Sa mukhalafa par rapport à sa contradiction au manhaj salaf, il sera égaré. Il peut s'égarer wal a'yadu billah hatta atteindre le kufr. Il peut rester musulman, mais c'est un mubtadi', un dhal. Il rentre تحت الوعيد, il est menacé min rabb al alamin de rentrer fi an-nar. Kulluha fi an-nar illa wahida. Fa hada c'est muhim ya jama'a. طالب العلم شي طالب العلم الى نقص في هذا الباب كي سي كي با ترانسميتغ هذا الاصل العلماء وطلبه العلم العلماء تعلمون اي بوف با فير دعوه بارتو ا طول مون فلا بد طالب العلم الى ندور في هذا الى ندور اي يشتهد الى بروس عقيده اي كومونس بار سا فامي اي كومونس بار سي بروش سي فوازان فعسى الله سبحانه وتعالى ان ينفع به. العناية بالعقيدة العناية سي الأصل دو طون دين. سي تجمع على عقيدة صحيحة بإذن الله أنت من أهل الجنة. سي تجمع على عقيدة كفرية أو مبتدعة فأنت على خطر. فالعناية بهذا الأصل. الأصل الثاني تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Le deuxième fondement du manhaj al-salafi, suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Fil ilm wa fil amal. On apprend et on met en application. Fil haqiqa, les deux premiers fondements, celui qui médite, c'est l'explication de shahadatayn. Les deux premiers fondements qu'on a cités, fil haqiqa, le premier fondement c'est shahadatan la ilaha illallah. Et le deuxième fondement qu'on va citer l'an, c'est shahadat anna Muhammad al-Rasulullah. C'est ça le fondement du manhaj salafi. C'est arkan al-Islam, arkan al-Iman. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakum al-Rasul fakhuduh, wa ma atakum al-Rasul fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu wa attaqullah, inna Allah shadidu al-iqab. Sallallahu alayhi wa sallam il nous donne, on doit le prendre. Ce qui nous interdit, on s'écarte, on s'abstient. C'est ça al-manhaj al-salafi. Wa qala azza wa jal, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est notre uswa, c'est notre exemple. Tout ce qui nous donne, on le fait. Tout ce qui nous interdit, on s'écarte. C'est ça منهج السلف الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتقدم de suivre sa sunna. C'est lui l'exemple. الله سبحانه وتعالى إلا إلوذي. Ça, il t'ordonne via le hadith, tu t'accroches le plus que tu peux. Il a donné l'exemple avec les molaires. An-nawajid. Hada, c'est un exemple, c'est une image qui montre que tu dois t'accrocher fort. L'imad, les anna, il y a des choses, il y a des idéologies, il y a des madhab. Ils vont essayer de t'enlever cette sunna, ou ils vont combattre cette sunna. Anta ayyuhal muslim, tu dois t'accrocher le plus fort possible. Et cet accrochement, il est bil ilm wal amal. Cet accrochement, il est bil ilm wal amal. Avec ad-du'a min Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah y waffaq al muslim. Il y a des choses qui contredisent هذا الاصل. Ittiba' an-nabi sallam, il y a des choses qui contredisent هذا الاصل. Min ahammiha al-ihdath fi ad-din wal bid'ah. Inventer des choses dans la religion, des innovations, ça contredit هذا الاصل. Ça contredit partiellement ou complètement. Ça dépend de la bid'ah. Qala sallallahu alayhi wa sallam inna sharra al-umur muhtathatuha wa kull muhtathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar fi al-ard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, chaque chose inventée dans la religion, c'est une innovation. Chaque innovation, c'est un égarement. chaque égarement, il est dans le feu. Tu n'as pas le droit, ayyuha al-muslim, d'inventer des choses via hadith din. Et c'est ça le manhaj al-salaf. Al-an, hatta al-kuffar, si tu analyses leurs critiques à la salaviyin, ils les critiquent parce que ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre, comme ils disent. Ça, c'est Mahmoud. Tu trouves Ba'd al-Arbiya min al-Muslimin, il saddaq had al-am. Il dit, c'est vrai, c'est des arriérés. Même je suis un arriéré, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux que j'invente des bid'ahs? Les mots qu'ils emploient, arriéré, fondamentaliste, même je suis ses fondements. Tu veux que j'invente fi dinillah? Hatta ahlak. Subhanak Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka.